penser. Pourquoi j'ai bien fait de compter? Les pièces sont déjà tombées. Même les chapeaux peuvent rouiller. Mais pourquoi, pourquoi j'en suis là? Pourquoi, mais pourquoi? Pourquoi j'en suis là? Pourquoi, mais pourquoi? Pour l'habiter, faut payer. Et débiter, c'est mauvais. L'habit ne fait pas le douanier. Le baby blues assure, t'inquiète, t'auras ta retraite. Mais pourquoi j'en suis là? Pourquoi, mais pourquoi?